Tortoni et Arbatax tous les mardis de 17h à 18h sur Radio Panique. Ouais, ouais. Putain, c'est qui? Hop. Ah, salut auditeur. Ah, salut jeune auditeur. Eh ben, bienvenue à la maison. Vas-y, rentre, il fait froid dehors. Putain, il est fat là, cet auditeur. Eh, hey, dis-moi. Fat. Ouais, t'inquiète pas. Tu connais la maison ou pas? Ouais, tu connais un petit peu, pas de problème. Moi, je te fais pas la visite. Je te fais pas la visite, auditeur. Allez. Ouais, Tortoli, on tient le but comme d'habitude. Viens. Enfin, Tortoli, tu nous fais honte. On reçoit un auditeur. Merde, tiens le but, quoi. T'es avec mon short du PSG. Ouais, tranquille. Cache-moi ça. Bon, alors, auditeur, installe-toi bien. Voilà, c'est une émission pour toi, at home, à la maison, en immersion. Tu vas plonger dans le quotidien, le train-train de Tortoli et Arbatax. Que voilà, dans les murs, entre les murs. Entre les murs, comme dirait Rosel Mac. Entre les fesses, comme dirait Sarah Morgan. Ça sera une autre émission, ça, sûrement. Toujours est-il, jeune auditeur, vas-y, assis-toi. Pourquoi tu ne t'assois pas? Assis-toi, je te dis. Il commence déjà à être relou. Voilà. Voilà, là, t'es bien mieux. Notre petit chez nous. Oui. Notre petit logis. On est bien installé. Alors, jeune auditeur, on t'a concocté une petite playlist, je veux dire, sur mesure, at home. Bon, qu'est-ce que tu veux? Tu veux boire un petit coup? Tu veux manger un petit peu? Comment ça se fait? Café, muscadet ou un petit générique si tu veux directement. Petit générique, toi mon toi de Arbatax et Eli Medeiros. Eli Medeiros, toi mon toi, c'est le générique de la semaine. Voilà. Tu peux enlever tes chaussures, petit auditeur. Tu te crois où toi? Tu prendras bien une petite cuillerée de confiture de quetch avec ça. Ah, tiens. Allez, générique. Bing! Bienvenue à la maison, gros. Toi, mon tout, mon roi. Yeah.

C'est le moment de l'expression de la semaine. Expression at home. Expression à la maison. Puisque vous êtes dans cette spéciale à la maison, entre les murs de Tortoli et Arbatax. Entends-tu cette petite musique derrière nous? Exact, c'est super, je la reconnais bien. Ça met un petit peu dans le truc, ça me chauffe. Quoi. On réexplique pas le concept, mais on le réexplique quand même. Vous vous trouvez actuellement dans ma chambre. Voilà, bah oui, il faut expliquer quand même. En fait, là, on est dans la chambre, c'est la chronique de l'expression de la semaine. Voilà, je suis un peu à domicile en fait, on peut le dire. Donc là, je joue à domicile. Donc là, ça fait... Par contre, si tu gagnes cette semaine, c'est 3 points pour toi. Enfin, t'as les points à l'extérieur. Ah oui, là, du coup, je serai à l'extérieur. But contre double. Ok. À moins que, si tu veux, on tourne ma séquence de mon expression dans ma chambre et on va tourner... De toute façon, j'ai pas de supporter. D'accord. Je préfère jouer à l'extérieur. Très bien. T'as une petite expression? Alors, l'expression d'Arbatax est la suivante. Mais dans quelle étagère? Non, c'est... Elle est bien! Elle est bien. Dans quelle étagère? Non, parce que j'ai une étagère juste en... L'expression d'Arbatax. Allons-y, l'expression d'Arbatax. Voilà, donc actuellement ici dans ma chambre, je suis à l'aise, tout va bien. L'expression, ça va être quand il y a quelqu'un qui bronche un petit peu devant toi et tout, qui a trop la confiance, tu lui dis oula, t'as chaud là, qu'est-ce qui te passe? Ça veut dire, qu'est-ce qui te prend là? Tu te prends pour qui? Ça serait une expression un petit peu tirée d'un film. Un peu polissane, c'est possible. Ah non, c'est possible. Intouchable. Ah oui, c'est le film Intouchable. D'accord, ok, super. Omar qui dit ça. Enfin, bref, c'est ton expression. Je comprends pourquoi il n'y a plus de. C'est ta minute? Je comprends pourquoi il n'y a plus de débit à internet tous les soirs, d'accord. Monsieur est cinéphile, d'accord. Monsieur Matt du streaming. Je Matt du stream. Exact. Voilà. Mon expression. Face à toi. Vas-y. Face à ta petite. T'es chaud là. Je vois que t'es bien chaud. Alors, mon expression est donc la suivante. La latch. Ça veut dire. Oh putain, la latch et tout. Ça veut dire la honte. C'est pourri quoi. La latch. Par exemple. Je sais pas comment t'es habillé là par exemple. C'est la latch quoi. La latch. Par exemple, il y a une exemple. Oui, non, mais c'est un truc régional, j'imagine. Non, c'est un truc. C'est un truc régional. Qui n'a pas une envergure énorme. Si la France c'est une région, effectivement, c'est une expression régionale. Non, n'a pas de. Toute la France ne dit pas ça, monsieur. C'est faux. Écoutez, monsieur Zemmour. On demandera aux Français, on vérifiera en leur demandant. Monsieur Zemmour, écoutez. Non, écoute, je vous ai déjà assez laissé parler. Je vous ai déjà assez bien parlé. Viens dans le couloir, viens. Bah, on peut. Il y a une. Par contre, pour la latch, j'ai l'impression d'avoir déjà entendu ça, mais ce qui me semble, c'est que j'ai déjà entendu ça dans notre propre émission. Non. En semaine 28. Reportez-vous à la 28e émission de Tortoller Attack. La latch. Cloud. Il me semble que la latch est déjà apparue en compétition. Eh bien, si. Donc je le prends, mais hors compétition. Si les auditeurs, ben on va dans le couloir, je vais le défoncer dans le couloir. Dans le noir, puisque alors, t'as chaud. Ouais, je proposais un exemple de combinaison. On peut par exemple associer ton expression t'as chaud là à la mienne la latch. Et la latch là, t'as chaud quoi. Ce qui fait une belle guirlande de choses qui ne veulent rien dire. Voilà, c'est validé. La latch, t'as chaud, la vinaigrette dans le cacao, Chistera dans le fond de ton cou. C'est une guirlande. Une guirlande d'expressions qui ne veulent rien dire. Guirlande épaulée. Voilà. Tranquillement. Voilà. C'était donc l'expression de la semaine. Comment ça se passe pour voter? Parce que moi je voterais bien pour la latch par exemple. Ça se passe sur Facebook en fait. Il suffit juste de marquer. Allez viens on va sur Facebook. Bah suis-moi. Ouais, attends, marche pas sur ces trucs là. C'est un peu le bazar là. J'ai trop d'expressions de la semaine qui se traînent par terre. Bah t'as chaud là. J'ai mis tes pantoufles. Attends, mais moi j'ai pas la latch moi. De m'afficher avec toi là comme ça. T'as chaud là, tu marches en chaussures sur le parquet. Allez, on file. On se remet un petit peu de son. Je vais à la pêche justement au son. Là. Je vais chercher le disquaire. Mais prends un homme sandwich. Hein. Un homme sandwich. Un homme sandwich. Un homme sandwich. La latch, c'est pris. La latch, c'est pris. Et ben, je vérifierai. Je vérifierai, mon pote. Vas-y, non, mais je te suis. Je te suis jusqu'au bout là. Ta pêche au son. Enfin, toujours est-il. Bon, je vais aller en vélo alors. Je change donc mon expression. Mon expression est donc la suivante, je vérifierai. C'est, tu vois, tu peux utiliser ça tout le temps, quoi. Ça va, t'as chaud, toi, toi. Tu dis quelque chose, tu dis quelque chose, et puis je dis. Tu changes les règles de l'expression d'affect comme ça. Je vérifie. Tu changes les règles, tu proposes deux expressions. Je te mets à la porte et je vais finir mon expression tout seul, tranquille. C'est dit, quoi. Allez, allez, au revoir. Cher auditeur, me voilà maintenant seul avec vous. Mon expression ne sera donc pas la latch, mais je vérifierai. Je vérifierai, vous pouvez l'utiliser dans de nombreux cas où vous êtes sceptique, où vous ne croyez pas vraiment la personne. La personne finit sa phrase en affirmant quelque chose de plus ou moins débile, et vous derrière vous dites ouais, je vérifierai. Je vérifierai, ouais, je vais y penser. Voilà, expression de la semaine, vous votez Facebook, Gmail, démerdez-vous. Nous on balance du son. Arbatax est parti chercher un petit peu de son. Bon, je vais aller un petit coup aux toilettes là. Allez. Et voilà. Il faut s'asseoir pour aller aux toilettes. Et voilà. Bon, laissez-moi maintenant. Allez. Bon, je verrouille quand même. Allez, un peu de son. When the guys came around to blow me down. C'est Radio Panique. C'est 105.4. C'est formidable. C'est Tortoli et Arbatax. C'est le retour des cow-boys. C'est Radio Panique. Arbatax. Oh, oh, Arbatax, Arbatax, Arbatax. Oh, Arbatax. Eh, Arbatax. Eh, Arbatax. Oh. Salut. Qu'est-ce que tu fais? Qu'est-ce que tu fais, mec? Viens, viens, viens. Ça va, ça va. Ah, ça va pas? Si, ça va. Ça va? Tu fais quoi là? Bah, rien. Bah, je mate une petite vidéo là que. qu'un pote. C'est quoi? Envoyé. Bah, attends, je peux regarder la vidéo avec toi? Snowboard, je crois, ou je sais pas, c'est sport d'hiver, je crois, il m'envoie. C'est bizarre. Hein. Faut des tricks, hein. Non, mais attends, ouais. Elle est bloquée en plus ta vidéo? Ouais, mais je sais pas. Non? Je te montrerai si elle est bien, je te montrerai. Ouais? Ouais, ouais, ouais. Que... Sinon, toi, tu voulais quoi? Non, mais y a pas de soucis. Je suis un peu surpris là quand même. Je suis un petit peu surpris. C'est... Mais pas de problème, t'as vu l'heure qu'il est, c'est bon. Mais non, en fait. Oh là, vas-y! Putain, mais. Attends, mais coupe-moi cette vidéo. Tu voulais quoi? Parce que. Qu'est-ce qui se passe? Parce que. En fait, j'étais en train d'écouter le nouveau Youssoupha. Ouais, Youssoupha, ouais. Tu vois le rappeur, le mec qui a un petit peu de cheveux sur la langue là. Je savais pas. Ouais. Putain, mais ça m'a perturbé ta petite histoire là de. Oui, bah c'est. Tu me transféreras quand même la vidéo. Pas de soucis, je t'envoie le lien, y a pas de problème. Enfin, de toute façon, ouais, c'est bon. Mais ça envoie du tricks à Google. Ok, ouais. Donc ouais, Youssoupha, y a un nouveau titre là qui est sorti. Ouais. L'effet papillon. Ah bah. Avec Maître Gims. C'est... Tu regardais une vidéo sur les papillons? Pas tout à fait, mais. Ok, bah. En fait, ouais. Enfin, elle est fat, quoi. Putain, mais okay, tu m'as perturbé avec ton histoire. Bah, écoutez ça. Oh, putain, c'est reparti. Bon, vas-y, on va écouter ça. Attends, bon, on écoute l'effet papillon Youssoupha. Son micro ne puisse pas le nier. Si ça part dans les insultes, évite la remet. Si de la punchline, tu rates la chute, n'hésite pas à remet. C'est pris, ça le met. Je te parle pas de shit et de sky, mais bien de la street et ses racailles même. Je rappe toujours frais, on dirait je suis tout nouveau. Vous rappez tous pareil, on dirait une Corée de Kuduro. J'ai tout le boulot, le cœur en saison hivernale. Mon frère, la tête sous l'eau, attend d'être enfin libérable. En fait, un enfermé qui s'évade. C'est rare comme Jean-Pierre Pernaud qui donnerait la parole à. Nos ennemis nous séparent, la guerre à base de coups de pute. Qui parle de rap game, ça fait longtemps que je ne joue plus. J'ai plus le temps des pourparlers. Nos vies sont tellement brèves, si on en fait un film, on l'appellerait tout trajmé. Le courage est de mise, un seul homme visionnaire. J'ai un débit dont ville de kin, appelle-moi Slumdog millionnaire. Comme tous ceux qui viennent d'Afrique pour rouler en gamos. Qui grandissent sur une terre battue, mais pas celle de Roland Garros. J'arrose la poisse qui m'escorte, comment me projeter. Le bonheur à ma porte, mais faut que je passe le seuil de pauvreté. Je pense à mes oncles sans papier. C'est dramatique, mais pour des faf, ils pourraient reconnaître la gosse de Rachida Dati. Oh, on nous baratine malgré l'effort. Pas attendu la crise pour voir que la misère est forte. La Guadeloupe se révolte, la France est éclatée. Tu croyais voir la compagnie créole, t'as eu le LKP. Rescapé grâce au succès, je suis pas un délinquant. Mais je reprends le métro pour retrouver l'inspire d'il y a 5 ans. Eh ouais, j'ai changé, je le montre. Désormais j'écris mes textes engagés dans le journal Le Monde. Retiens mon nom d'analphabète, tu veux que je faiblisse. Si t'es traité de con, ben considère que c'est un euphémisme. Trop d'ennemis dans le complot sans crier gare. Remarque ceux qui parlent dans mon dos, seulement plus les regardent. Je reste à l'écart, mais dans la machine, je suis le gravillon pour enrayer Paris avec Marie, mais l'effet papillon. Ok, yeah, je te l'avais dit que t'avais jamais entendu de rap français. Les yeux fermés, les poings serrés, l'estomac noué. J'ai tous mes membres pour le moment, que Dieu soit loué, que Dieu soit loué. J'ai pris des coups, oui, je dois vous l'avouer. Mais que Dieu soit loué, que Dieu soit loué. J'avance les yeux fermés, les poings serrés, l'estomac noué. J'ai tous mes membres pour le moment, que Dieu soit loué, que Dieu soit loué. J'ai pris des coups, oui, je dois vous l'avouer. Mais que Dieu soit loué, que Dieu soit loué. Depuis que j'excelle dans la musique, certains amis sont devenus adversaires. C'est ironique comme de mourir le jour de son anniversaire. Fais ton chemin, frère, touche pas à ma roue. Je suis une plaque panthère, comme la mère à Tupac à ma roue. Je vois rouge dans ce rap français et son contexte. Je refuse de partager ses doutes et porter ses complexes. Tu fais du rap, mais tu fuck les states pathétiques. Où t'as vu un reggae man d'ici qui nique la Jamaïque? Soyez pas naïfs, je soignais ma hive. À la force du poignet, même éloigné de ma rive. C'est loin l'Afrique, je suis condamné sans jouer les stars. Mais si je tombe, mettez-moi dans la même cellule que Joe Star. Ça me permettra de ne pas couper du hip-hop entre Snoop et Lollipop. J'ai mes couplets dans l'hip-hop, mon pote. Les rappeurs sont des pâles copies. Pour sortir ma musique de la crise, j'ai plus besoin d'un spi que d'Adopi. Fils adoptif de Marianne la mégère, devenu ma marâtre, défavorable à mes gènes. Et j'aime quand sur le net tu ouvres ta bouche. Mais attention, le wall de ton Facebook sera le mur de tes lamentations. La tentation de Bambata est révolue. J'ai la sensation d'un rap où le discours n'est même plus reconnu. Où les MC lancent des clashs pour s'égayer. Mais dans le freestyle au style 2006, c'est pas Medine qui bégayait. Effrayé par la mort dans mes missives. Car au fond la vie n'est qu'une maladie sexuellement transmissible. Je reste invisible mais dans la machine je suis le gravillon. Pour enrayer Paris avec Marie mais les faits pas. J'avance les yeux fermés, les poings serrés, l'estomac noué. J'ai tous mes membres pour le moment, que Dieu soit loué, Dieu soit loué. J'ai pris des coups, oui je dois vous l'avouer. Mais que Dieu soit loué, que Dieu soit loué. J'avance les yeux fermés, les poings serrés, l'estomac noué. J'ai tous mes membres pour le moment, que Dieu soit loué, Dieu soit loué. J'ai pris des coups, oui je dois vous l'avouer. Mais que Dieu soit loué, que Dieu soit loué. J'avance les yeux fermés, les poings serrés, l'estomac noué. J'ai tous mes membres pour le moment, que Dieu soit loué, Dieu soit loué. J'ai pris des coups, oui je dois vous l'avouer. Mais que Dieu soit loué, que Dieu soit loué. J'avance les yeux fermés, les poings serrés, l'estomac noué. J'ai tous mes membres pour le moment, que Dieu soit loué, Dieu soit loué. J'ai pris des coups, oui je dois vous l'avouer. Mais que Dieu soit loué, que Dieu soit loué, que Dieu soit loué, que Dieu soit loué, que Dieu soit loué, frère. Merci pour le talent qu'il nous accorde pour pratiquer cet art qu'est le rap. Black music, c'est l'effet papillon. L'effet papillon, c'est quand je lâche un rap à des kilomètres de toi. On se connaît même pas. Et t'es posé chez toi dans ton MP3 ou ta GoPro. Et regarde comme tu bouges la tête. C'est l'effet papillon, ça. Un hip-hop où le message d'un seul peut nous faire bouger par millions. Hey, Maître Gims, merci pour la vibe. Big up à la section d'assaut. Kinshasa, Kinshasa. Pour Maillet Music. Yeah. Ta ta ta ta ta ta ta ta. T'avais jamais entendu te rap français. Alors ta ta ta ta. T'avais déjà entendu du rap français. Pas mal, hein. C'est mieux que ta vidéo de snowboard, là. Ça va, et tu le dis pas à mes gars, non? Non, non, ça reste entre nous, mec. Je te fais confiance. À mes guys. Tu dirais pas. Tu dis pas au mec ton qui habite au-dessus. Mais mais qu'est-ce que tu fais, là, Rapatax? Après ta vidéo, là, sur les papillons, les snowboards et tout. Bon, ça va, sinon c'est pas grand-chose. T'as quoi sur les lèvres, là? Ça traînait là dans ma chambre, je sais pas, je voulais essayer ce que ça faisait. T'as mis du rouge à lèvres? Ça rien. C'est rien, voilà, c'est parti. Non, c'était. Bah, t'en as jamais mis, toi? Tu nous prépares une transition, c'est ça, peut-être? Bah, je voulais te faire écouter un truc, là. Le dernier d'ici de la peste. Bon. Ah, parce qu'il a été dans un collectif rouge à lèvres. Exactement, bon, il avait le groupe rouge à lèvres, etc. Bon, ça, c'était il n'y a pas si longtemps que ça, avec Grimes, etc. Enfin, je te raconte pas le machin, mais là, il revient. Il t'en reste un peu, il ouais. T'en reste sur le côté. Voilà. C'est pas de la bolo, ça. Mais sinon, voilà, il revient avec un groupe. C'est pas un groupe d'ailleurs, ça on coupera au montage. Il revient avec un nouveau morceau, ça s'appelle. This is La Peste, il revient. Il était peut-être pas parti, tu me dis. J'en sais rien, bah non, du coup, il était pas parti. Il revient avec un nouvel opus, Good Friday, et il y a ce morceau-là qui défonce le poids d'un gravillon. Tu vas reconnaître l'instru, c'est un truc du moment là, c'est M83, un truc qui défonce, lui rappe dessus. Cadeau. MIT3. MIT3, exactement. Alors, on écoute. Pas des avions, leurs attaques sur ma foi, le poids d'un gravillon. Un amour unique, des haines par millions. Peu importe la veine, ce qui coule est vermillon. Et je m'étonne des étoiles, pas des avions. Leurs attaques sur ma foi, le poids d'un gravillon. Un amour unique, des haines par millions. Peu importe la veine, ce qui coule est vermillon. J'ai une boule dans la gorge, c'est de la rage en fusion. Mes yeux pleins d'illusions, les leurs pleins d'allusions. Il n'y a qu'un pas du IOA, ça bouge pas dans Iota. L'amour est mis au pâte, la haine m'a mis au pas. Et on s'y habitue comme un plat de pâte. Au sous-entendu, on dit pourquoi te battre. À quoi servent les études, on veut pas droite. Sous les plafonds de verre, on marche à quatre pattes. Touché par des phrases et des regards de haut. Des mois, tes poignées de main, t'as jamais le dernier mot. Tes parano, la suite, son corollaire. Ton discours est victimaire, tu cèdes à la colère. Hier, encore hier, des frères, la nuit entière. Sont finis à la bière, assis à l'arrière. L'avenir enfermé dans des logiques mortuaires. Des coins sombres et puants, érigés en sanctuaire. Car si tu connais que la mer, tu seras fier de la mer. Tu en feras ta valeur, la porteras en streetwear. Ils sont comme des ordi, privés de carte mère. Les frères ont du cœur, mais n'ont pas le software. Les envies d'allumer le feu, le vrai, pas la l'idée. Nos gosses vivront comme nous, on se fait mal à l'idée. De cette adolescence qui traîne aux Champs-Élysées. Ça me dit une nuit blanche avant désorganisée. Le nez sous des enseignes, le bonheur banalisé. Par les lumières attisées, les cœurs veulent dératiser. Les cœurs démagnétisés veulent tout monétiser. Pas les champs mais le palais, c'est là qu'il faudrait viser. La révolution ne sera pas télévisée. Un jour les élites seront scandalisées. L'humiliation est puissante, elle peut le galvaniser. Des millions de gamins aux rêves subtilisés. Comme le logo de PI, je suis toujours visé. C'est pas de ma faute à moi, je suis comme Alizé. J'ai le teint caramélisé, je suis grave crié. Toujours envie de crier, ma patrie n'arrête pas de crier. Je m'étonne des étoiles, pas des avions. Leurs attaques sur ma foi, le poids d'un gravillon. Un amour unique, des haines par millions. Peu importe la veine, ce qui coule est vermillon. Je m'étonne des étoiles, pas des avions. Leurs attaques sur ma foi, le poids d'un gravillon. Un amour unique, des haines par millions. Peu importe la veine, ce qui coule est vermillon. Tortoli et Arbatax, c'est aussi du bien manger. Comme il est 17h, on n'est pas obligé de faire un gros souper. On va manger un petit brunch léger. Un petit frishti, hein, sur le pouce. Quelque chose de léger. Sur le pouce, très bien. Ouais. Some people say a man is made out of mud. Poor man's made out of muscle and blood and skin and bones. A mind that's weak and a back that's strong. You load 16 tons, what do you get? Another day older and deeper in debt. St. Peter, don't you call me 'cause I can't go. I owe my soul to the company store. I was born one morning when the sun didn't shine. I picked up my shovel and I walked to the mine. I loaded 16 tons of number 9 coal. And the straw boss said, well, bless my soul, you load 16 tons, what do you get? Another day older and deeper in debt. St. Peter, don't you call me 'cause I can't go. I owe my soul to the company store. I was born one morning, it was drizzling rain. Fighting and trouble are my middle name. I was raised in the canebrake by an old mama lion. Can't know a high-toned woman make me walk the line. You load 16 tons, what do you get? Another day older and deeper in debt. St. Peter, don't you call me 'cause I can't go. I owe my soul to the company store. If you see me coming, better step aside. A lot of men didn't, a lot of men died. One fist of iron, the other of steel. If the right one don't get you, then the left one will. You load 16 tons, what do you get? Another day older and deeper in debt. St. Peter, don't you call me, 'cause I can't go. I owe my soul to the company store. Ah, bon, on a bien mangé, hein. Qu'est-ce, on se fait un petit café ou... Comment? Tu sais bien que c'est pas bon pour mon cœur, Tortoli. Tu sais bien que j'ai le BPM un peu... Ah, oh là, quelle sonnerie de merde, dis donc, c'est le nouveau téléphone, ça. Ah bah, ça, c'est ta mère, comme d'habitude. À chaque fois, à 17h. Oui, allô. Allô, ouais. Pour Tortoli. Oui, concernant... Ah, un impayé. Oui. C'est qui? C'est l'huissier, Tortoli. C'est l'huissier. Apparemment, tu dois 1200 euros. C'est pour la SABAM. Qu'est-ce que je leur dis? Bah, ça va. Ça va pas. SABAM ou quoi? Arbatax, les deux grosses mythes de Radio Panique. Tortoli et Arbatax, c'est aussi des chansons paillardes sous la douche. Les Lorientaises, elles sont comme des homards. Elles ont tout d'un ruban rouge et noir. Les gars de la Florentine, vous en bien les voir. Les embrasser. Qu'est-ce qu'il y a? Ça va pas ou quoi, toi? Qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce que tu chantonnes là? Bah, une petite chanson, ça va, je suis sous la douche, je suis tranquille. Ouais, mais... D'où tu rentres déjà? On balance des putains de tunes toutes les semaines et tu te permets de chanter des trucs comme ça. Bah vas-y, balance-en une putain de tunes. On se met quoi? Tu me prends un peu au dépourvu, mais t'inquiète pas que juste maintenant on balance un gros son. Ouais, ça c'est garanti. Ok, bah moi je retourne sous la douche. Allez. L'orientaise, ça comme des homards. D'ailleurs, c'est qui à 4? D'ailleurs, c'est qui y a 4? Y'a 4 rings de Russie, y'a 3 en Champagne, y'a 2 testaments, ancien le nouveau. Ding de godong de ding de dong de dong de ding de ding de dong de dong de dong de dong de dong de dong de dong de dong de dong de dong de dong de dong de dong de dong de Arbatax. Radio Panique. World. Tortoli et Arbatax reçoivent aussi des amis qui font des mauvaises imitations de moi-même, guillemette. Et ça, C'est pas sympa. Vous écoutez Dortoli et Herbe Attack sur Radio Cop Panique. Tu peux le refaire autant que tu veux, vas-y, pas de soucis. Vous écoutez Dortoli et Herbe Attack sur Radio Panique. Vas-y, dis 17h, 18h, 105.4 et tout, vas-y, fais-en plein. Vous écoutez Dortoli et Herbe Attack sur Radio Panique. 17h, 18h, 105.4. C'est le radio guidage, inforoute, un embarras de circulation. C'est Radio Panique, c'est Tortoli et Herbe Attack. Tortoli et Herbe Attack, c'est aussi du rangement. Le rangement. Il y a toujours un moment dans la journée où on fait un peu de rangement. C'est souvent le bordel, mais il y a plein de temps. Il faut ranger. Alors, Herbe Attack, on fait un petit peu de rangement. C'est le bordel là. On doit pas vivre dans cette porcherie là, c'est pas normal. C'est pas normal, ça fait quoi, un an que ça dure? C'est quoi la dernière fois qu'on a rangé quoi? On fait du rangement avant le nettoyage? Et si on faisait un peu de rangement? Alors, par exemple, ça c'est au-dessus. Enfin. Les pots de confiture là, ils vont où déjà? Les vides. Les vides, pas, ah, pas les vides. Ah, bah, les vides, tu les mets en dessous. En dessous. Elle est bonne! Dreadlocks can't live in privacy. Anything him do, one nigga see. Too much watchy, too much so. Too much watchy, too much so. Dreadlocks can't smoke and pipe in peace. Too much informers and too much bees. Too much watchy, too much so. Too much watchy, too much so. Dreadlocks can't live in a ten. Mais malgré le rangement, chez Tortoli et Herbe Attack, c'est un grand bordel. I'm a rude boy, why you don't do it now? I'm a rude boy, why you don't do it now? Tortoli, ramène-toi, putain! Oh, je me brosse les dents, là! Mais ramène-toi! Qu'est-ce qui se passe? Mec. Viens voir. Je crois qu'il y a un truc dans le placard qui bouge. Oh, putain. Putain, j'ai encore un dentifrice dans la bouche. On s'en fout, attends, très bien. Attends, j'ai pas halluciné. Bah, attends, t'as vu la musique que t'écoutes là? Qu'est-ce que tu me fais? Attends, on s'en fout de ça, attends. C'est Rihanna, c'est un super truc. C'est nouveau? Qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui se passe? Tu bouges mon placard, je te dis. Tiens, c'est pas moi ça. Tiens, t'entends ou quoi? Oh, t'hallucines, mec, t'hallucines trop. Attends, mets-toi devant. Attends, je vais chercher un truc. Qu'est-ce que c'est? Attends, j'ai un parapluie là, c'est bon. Parapluie? Mais qu'est-ce que tu. Pour un placard? Bah, c'est pas moi qui le fais bouger, t'es bien d'accord là? Ah ouais? Non, c'est vrai qu'il y a un truc chelou. Bah, il y a un méga truc dedans là, je sais pas ce que c'est. Putain de souris, je crois, ou un truc comme ça. Vas-y. T'as pas enfermé ton vibromasseur à l'intérieur? Attends. Ferme la porte. On va bloquer tous les coins, toutes les issues. Non, mais attends. Si, c'est bon. Ah ouais? Vas-y, ouvre, tranquillement. J'ouvre. Ouais, doucement. Vas-y. Oh putain, mais. Mec, t'es qui toi? Putain, mais qu'est-ce. T'es qui? Mais qui. Mais t'es qui toi? Oh! Qui es-tu? Mais qui es-tu? Stupid titted. dans le placard. Qu'il est con, mais qu'il est con. Tu vois ma casquette? La casquette bleue, ouais. Là, elle est où? La bleue. Est-ce que le... Je me souviens, samedi, tu l'avais en soirée? Oh, bah mon gars, samedi. Je sais pas, je crois que c'est encore une kikine qui a dû me l'embarquer. Non. Ouais, je pense bien, ouais. Je pense bien. Putain. Ça passe pas un peu de confiture, là. Merci. Confiture, ouais. Ok. Et. Non, mais parce qu'en fait, ça fait chier. C'est déjà un pote qui me l'a passé, là. La vieille visière, là, la visière à deux francs. Ouais, la visière Allemagne, là. Bjornborg. Allemagne de l'Est. Bjornborg, là, dégueulasse. Ouais. De toute façon, tu ressembles à rien avec ça, ma couille. Non, je pense, hein, je t'as sais vu pas. T'as vu ton nez? Ça, ah, oula, c'est qui ça encore? Attends, bouge pas. Je m'en occupe. Encore des problèmes, ça. Oui, allô? Ah, salut, Guimette. Comment ça va? Ouais, ça va, ouais. Bah nous, bien, tranquillement. Bon, on est en train de taffer sur l'émission, là. Ouais, ça bosse sec, hein. Bah, tu sais bien, de toute façon, on a que ça à foutre. Fais ouais. Une petite bise à Guimette, de ma part. Ouais, il y a Tortoli qui te fait une petite bise. Ouais, ouais. Bon, nous, un peu dur, hein, le lendemain de... Enfin, tu vois, comme d'habitude, quoi. Et toi, ça va? Ouais, toujours un peu seul, ouais. Pas de petit guimain dans ta vie, non? Non, bah, ça viendra, Guimette, t'inquiète pas. Dis-lui que je suis chaud. Il y a Tortoli qui se propose, hein, tu sais bien. Ah oui, comme d'habitude. Ah, ils te le disent. Ouais, bah oui, comme d'hab. Ah, quoi? Ah, t'as plus trop de forfaits? Ok. Bah alors, vas-y, viens-en au fait, Guimette. Eh, les deux gros nazes, Tortoli et Arbatax, vous avez pensé à un classique pour finir l'émission? Pour l'émission de mardi. Ah, le classique? C'était quoi? Tortoli, le classique, on a dit, pour l'émission de cette semaine? Je sais pas, une connerie, un Corona. Ouais, ben on a déjà dû faire ça. Ben Harper, c'est non. C'est quoi le thème là déjà? La maison. La maison domestique, quoi, un truc. Un truc. Claude François là, viens à la maison, il y a le printemps qui chante. Moi, je sais, non, mais c'est Mouscouris ça, hein, c'est qui non c'est... Ouais, on en trouve un autre truc là, attends, qu'est-ce qu'on dit? Attends, Guillemette, quitte par vrai. Blues Brothers. Voilà. On va mettre un petit. Ok, Blues Brothers, Guimette. Home Sweet Home Chicago, quelque chose comme ça, tu vois. Home, maison, tu vois. Tranquille, ouais, comme ça, nickel. ça finit. Ouais, voilà. Ça finit bien, quoi. Ok. Eh ben, ok. Ben, écoute, on se voit mardi, alors. Ou je sais pas quand. Comme tu veux. Bah, de toute façon, tu sais bien, t'as les clés, tu passes quand tu veux. Et dis-lui de voter pour l'expression. N'oublie pas de voter pour l'expression, Tortoli te dit. Oui. Non, tu ne votes jamais. Oui, je sais. Bah, c'est bien, c'est pour ça qu'on te le dit. Bah, dis-lui que c'est une pute. Voilà, il te fait des gros bisous. Voilà. <C'est une salope>. Voilà, ça marche. Bah allez, bah toi aussi, bonne soirée. Ciao, oh, ciao. Foire, ouais. Salut, Guimet. C'est bon. On balance le classique alors. Blue Sweet Home Chicago, apparemment, c'est arrivé. On ne peut plus reculer maintenant. Si tu recules, comment veux-tu que je t'enlève ton pull. Et puis voilà quoi. Bah voilà, une émission bouclée, je crois. Voilà. Classique, c'est fait. Allez, Blues Brothers, Home Sweet Home. Chicago. Puis tu me retrouveras ma visière aussi, tu me la retrouveras ma visière. Hein. Bah, elle m'a peut-être laissé son 04. Hein. Je vais regarder dans mon GSM. Son G. Classique. Ah non, son G, je l'ai trouvé par contre. Mais son G, je l'ai trouvé samedi soir. Ouais. Elle était à côté du X. C'était XX, ouais. Classique. Look there, brother, baby, and I'll see what I...